peu beaucoup. L'amour pour toi, j'en ai un peu beaucoup. Sur ma main gauche, ça fait tic-tac, tic-tac. Regarde leur sabre beaucoup, beaucoup. Sur tes coques comme Jérémy. Dans ma poche, a plus beaucoup, beaucoup. Mon poignet fait beaucoup trop de bruit. Guette le prix de mon chaco, chaco. C'est Dieu qui m'a donné. J'aimais pas qu'on bosse, pas pour frimer. Mais dans l'écharpe, je veux causer. Tu guettes trop mon cou, tu vas gripper. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Un peu beaucoup, l'amour pour toi j'en ai un peu beaucoup. Sur ma main gauche ça fait tic tac tic tac. Regarde là ça brille beaucoup beaucoup. Sur tes coups comme deux coups deux coups. Dans ma poche ça brille beaucoup beaucoup. Mon poignet fait beaucoup trop de bruit. J'ai tout pris dans mon chaco chaco. J'finis mon verre, j'm'en resserre un autre. J'remercie le ciel, wow, wow. Ma chérie, c'est Dieu qui donne. J'finirai pas ma vie en Clio. J'ai pas fini de tout donner. Faut que j'finisse avec la même SACEM que Renault. Un peu beaucoup, l'amour pour toi j'en ai un peu beaucoup. Sur mon main gauche ça fait tic tac tic tac. Regarde l'air ça brille beaucoup beaucoup. Sur tes coups comme deux coups deux coups. Dans ma poche ça brille beaucoup beaucoup. Mon poignet fait beaucoup trop de bruit. Qu'est-ce que le prix de mon chaco chaco. Na na na na na na na.